Blonde à ses roseaux dressés, qui sont des cadres imposés, cernant les raies d'argenté de l'étang ensoleillé. Le ruisseau a ses idées, cassé par les rochers, les poissons vifs et gais sont les enfants des ondées. Le curé a le cœur voilé, par ses fidèles enveloppés, du désir de fidélité et leur vie de crucifié. Le médecin a veillé, son savoir est dérangé, le malade s'est agrippé et sa blouse a souillé. Marabout, marre de café et des corbeaux pointés, des liqueurs et des fantômes aux yeux fixés rougis. Les démons de Bigigui, c'est leur couteau de survie. Sans chemin, les paumés s'accrochent au ciel de leur lit. Dans les rives sillons creusés, les hommes ont semé. Sous les yeux de la voie lactée, l'espérance est datée. La colonne se met en marche, un grand trait de lumière. Les enfants se lèvent confiants et balaient la misère. Les promesses mélodiées et par le vent transportées excitent les pensées des humains fiers et brisés. Le pauvre a le regard signé par une miette jetée dans l'assiette du temps gagné sur l'échéancier usé. De la mer, le vent du nord et de la terre encore, soleil voilé par des fumées et des poumons brûlés. Des bateaux, rien aux filets, des trains abandonnés. Dans les cœurs et les idées, meurt un doigt plastifié. Grain de blé fait du bon pain et prépare l'endemain. Une main tendue sans doigt crochu attire l'inconnu. Baiser caché, corps enflammé et faire l'amour entier. C'est lu et approuvé le contrat d'une vie désignée. Le manteau blanc à son acné, sans point noir dessiné, par les pattes posées, des marmottes réveillées. Le ciel a son passager, le poète a embarqué, les étoiles sont allumées, guidant son rêve imprégné. Soit partir, soit revenir, il faut bouger un jour, du clair obscur au contre-jour, passer le pont d'amour. Prends la vie à pleine main et n'oublie pas la loi. Lève-toi et chaque jour le bonheur devant toi. Les panants, les conquérants, pleureurs et fous chantants. De l'album de votre vie, tournez toutes les pages. C'est l'histoire de votre vie, surtout n'effacez rien. Encadrez et coloriez les images de votre âge. Soit partir, soit revenir, il faut bouger un jour. Du clair obscur au contre-jour, passez le pont d'amour. Prends la vie à pleine main et n'oublie pas la loi. Lève-toi et chaque jour le bonheur devant toi. Les manants, les conquérants, pleureurs et fous chantants. De la toile de votre vie, tournez toutes les pages. C'est l'histoire de votre vie, surtout n'effacez rien. Encadrez et coloriez les images de votre âge. Soit partir, soit revenir, il faut bouger un jour. Du clair au-dessus, au contre-jour, passez le bon amour. Prends la vie à pleine main et n'oublie pas la loi. Lève-toi de chaque jour le vent.